tuer ma clacla. C'est ce qui va tuer ma clo-clo. Hey. Ouvrez les yeux, ouvrez vos yeux. Ne voyez-vous pas ce qui se passe? Ouvrez les yeux, ouvrez vos yeux. Ne voyez-vous pas ce qui se passe? La communauté internationale doit cesser de valider ce coup d'État. Elle est complice de notre instabilité, de l'insécurité. Elle fabrique des tyrans, des despotes, des dictateurs, source de nos malheurs. L'Union africaine doit arrêter d'accepter, de valider ce putschiste, ce coup d'étatiste. Elle encourage notre instabilité et met en danger la paix dans nos contrées. Ouvrez les yeux, ouvrez vos yeux, ne voyez-vous pas ce qui se passe? Ouvrez les yeux, ouvrez vos yeux, ne voyez-vous pas ce qui se passe? Ce qui a tué ma clacla, c'est ce qui va tuer ma clo-clo. Ce qui a déjà ma clacla, c'est ce qui va déjà ma clo-clo. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Dictature démocratique, tyrannie démocratique, génocide démocratique, guerre fratricide démocratique, assassinat démocratique, emprisonnement démocratique, les tortures démocratiques, les bombardements démocratiques, c'est pathétique. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ouvrez les yeux, ouvrez vos yeux. Ne voyez-vous pas ce qui se passe? Ouvrez les yeux, ouvrez vos yeux. Ne voyez-vous pas ce qui se passe? Ce qui a tué ma clacla, c'est ce qui va tuer ma clo-clo. Ouvrez les oreilles, ouvrez vos oreilles. N'entendez-vous pas ce qui se dit? Ouvrez les oreilles, ouvrez vos oreilles. N'entendez-vous pas ce qui se dit? Ce qui a déjà ma clacla, c'est ce qui va déjà ma clo-clo. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Dictature démocratique, tyrannie démocratique, génocide démocratique, guerre fratricide démocratique, assassinat démocratique, emprisonnement démocratique, les tortures démocratiques, les bombardements démocratiques, c'est pathétique. Les mêmes causes produisent les mêmes effets.